Amen. Je voudrais partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, lorsque nous marchons avec Dieu, même les autorités reconnaîtront notre ministère et ils nous feront confiance. C'est le cas d'Esdras. Lorsque nous lisons minutieusement la copie de la lettre à Artaxerxès qu'il avait adressée à Esdras, nous voyons qu'il reconnaît même le ministère d'Esdras. Il appelle homme versé dans l'écriture, sacrificateur et scribe. Vous voyez? Aujourd'hui, quand on parle de plus en plus de pasteurs, de prophètes, d'apôtres, même les autorités nous font de moins en moins confiance. Parce qu'il y a beaucoup qui en ont abusé, il y a beaucoup qui ne sont pas dignes, il y a ceux qui sont cités dans les affaires d'escroquerie, les affaires d'immoralité sexuelle, d'adultère, ce n'est pas sérieux. Ressemblons à Esdras, un homme à qui le roi pouvait faire confiance au point de lui confier de l'argent, au point de lui confier une mission qu'il devrait accomplir à Jérusalem. Il devient comme l'ambassadeur du roi parce qu'il était un homme crédible. Écoutez ce que dit ce passage. Au verset 12, Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux. Donc, ça, c'est le roi qui appelle Esdras sacrificateur. Il reconnaissait que c'était un homme de Dieu. Il était scribe, mais il ajoute versé dans l'écriture. Cela veut dire que quand on approchait Esdras, on voyait que c'était un homme qui connaissait la parole de Dieu, qui enseignait la parole de Dieu. Il ne racontait pas des mythes, il ne racontait pas des visions, mais il était versé dans la parole. Ce n'était pas quelqu'un qui était là pour dire, le nom de ton père c'est tel, le nom de ta mère c'est tel, j'ai vu que les sorciers du village c'est tel. Il était versé dans l'écriture et même les autorités pouvaient le reconnaître et lui faire confiance. Et la lettre dit, au verset 13, « J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, des sacrificateurs des Lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. » Et le verset 14 dit, « Tu es envoyé par les rois et ses sept conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. » Vous voyez, c'est un homme crédible. Comment est-ce que les autorités peuvent-ils nous faire confiance? Comment est-ce que le maire, comment est-ce que le préfet, le sous-préfet peut te faire confiance lorsque tu dis que tu es pasteur et tu escroques les autres? Lorsque tu dis que tu es pasteur et tu répudies ta femme, la femme de ta jeunesse, et tu prends une autre sœur qui est dans l'église? Comment est-ce qu'on peut te faire confiance quand tu es cité dans la vente des choses illicites, dans la vente des drogues? On ne peut pas te faire confiance. Nous avons besoin des hommes de Dieu comme Esdras, des gens qui inspirent confiance. Deuxième vérité, l'Église a besoin des hommes et des femmes crédibles pour bien gérer l'argent destiné à l'œuvre de Dieu. Vous voyez, souvent il y a des scandales dans l'Église, dans la gestion de l'argent. Très peu sont ceux-là qui gèrent l'argent. Que Dieu nous aide à ressembler à Esdras. Très souvent, qu'est-ce que nous voyons? La plupart des palabres qu'il y a dans nos églises sont dues au problème d'argent. Comment gérons-nous l'argent? Lorsque nous allons voir une autorité, lorsque nous allons voir le chef de l'État, lorsque nous allons voir le premier ministre, nous allons voir un député, le maire, le préfet, et qu'ils donnent un montant d'argent, et qu'ils disent, tenez 10 millions, tenez 30 millions, ça c'est pour construire les temples, ça c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Comment ceux à qui on donne cet argent gèrent-ils l'argent? Est-ce qu'ils en font bon usage? Est-ce qu'ils utilisent cet argent selon la destination ou bien c'est pour faire autre chose? Vous voyez ici, nous avons besoin de gens comme Esdras, des gens crédibles. Les rois pouvaient lui dire, voilà, je t'envoie avec l'argent destiné à la maison de Dieu. C'est toi qui dois recueillir l'argent. C'est toi qui dois utiliser cet argent selon la volonté de Dieu pour bâtir la maison de Dieu. Et ce qui va rester, tu vas faire bon usage selon la loi, selon la volonté de ton Dieu. Un homme à qui on parle ainsi, c'était un homme crédible. C'est-à-dire, les rois savaient que cet homme craignait Dieu. Cet homme ne pouvait pas détourner cet argent pour dire, je vais construire ma maison. Il ne pouvait pas détourner cet argent pour mettre dans son compte bancaire. Non, c'était un homme crédible. Oh, que Dieu nous aide à ressembler à Esdras. Écoutez ce que le texte dit. Au verset 14-15. Tu es envoyé par les rois et ses sept conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que les rois et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. C'est Esdras qui pouvait porter cet argent, parce qu'il était un homme crédible. Et il dit au verset 16, « Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans la province de Babylone, et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. » Donc l'argent qu'on a remis à Esdras était destiné à acheter des taureaux, des béliers pour offrir les sacrifices. Vous voyez, Esdras est un homme crédible. Nous avons besoin d'Esdras. Nous avons besoin des hommes de Dieu, des trésoriers qui peuvent bien gérer l'argent de Dieu. Troisième vérité, Dieu dispose favorablement le cœur du roi, le cœur des autorités pour faire avancer son œuvre. C'est ce que nous voyons ici. Il a disposé favorablement le cœur du roi Artaxerxès qui a donné de l'argent, qui a donné de l'or, qui a donné des biens pour que Esdras aille faire l'œuvre de Dieu, pour aller offrir des offrandes. Et nous voyons ici, le roi a pris même un décret selon lequel on ne devait pas imposer ou demander l'impôt aux hommes de Dieu, aux sacrificateurs, aux lévites, aux chantres. Et je pense que dans la plupart des pays, les gens ont compris cela. Ils ont compris que les hommes de Dieu sont une bénédiction dans une nation. Il n'est pas normal qu'on puisse imposer les impôts aux pasteurs. Il n'est pas normal qu'on puisse imposer de l'impôt à ceux qui servent le Seigneur parce qu'ils rendent le bien à la société en enseignant la parole de Dieu. Ils contribuent à la paix et à la cohésion sociale. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces chants. À Dieu, élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma soeur, et dis merci au Seigneur pour sa grâce et pour ses bienfaits. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est Esdras 7, 11 à 28. Je recommande à tous ceux qui nous suivent, et surtout par WhatsApp, à partager OSB avec des amis. Si vous avez cette grâce, partagez OSB avec d'autres personnes. Et si vous avez expérimenté la main de Dieu, vous avez un témoignage, vous pouvez nous le faire connaître. Dieu vous a visité à travers OSB. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngoumbi. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que nous ayons des hommes de Dieu crédibles, des chrétiens crédibles auprès même des autorités qui reconnaissent notre ministère, comme ce fut le cas d'Esdras, qui était reconnu comme un homme de Dieu versé dans les Saintes Écritures, un homme à qui on pouvait faire confiance. Prions le Seigneur. Nous élevons ton nom, tendre Père, toi qui as suscité tes serviteurs, ceux-là qui ont du prix à tes yeux, ceux-là sur qui tu comptes, parce que tu les utilises pour ta gloire. Ils sont tes témoins et tu as fait d'eux des hommes que tu as choisis pour être des hommes de Dieu crédibles. Nous prions que tu suscites encore de ces hommes de Dieu, des frères reconnus crédibles, des serviteurs et servantes crédibles et auprès des autorités qu'on fait confiance. Seigneur, suscite au milieu de nous des hommes de confiance, des hommes qui sont dans la parole, qui sont versés dans la parole, qui comptent sur toi, qui maillent par la foi, des hommes qui changent la vie des hommes, qui prient et dont les prières par ta grâce sont exaucées. Seigneur, suscite ces frères qui maillent dans la sainteté, dans la crainte de ton nom, qui vivent par la foi et qui espèrent en toi seul et uniquement sur toi seul. Béni sois-tu pour ces hommes et ces femmes que tu es en train de révéler ces derniers temps dans ce pays et partout dans le monde. Nous bénissons ton nom pour tes serviteurs qui sont davantage qualifiés, qui sont saints, qui vivent dans la crainte de ton nom pour opérer dans le surnaturel, travailler de mieux en mieux pour l'avancement de ton royaume. Ainsi, Seigneur, tu les utilises comme des bénédictions pour ceux qui les écoutent et que ton nom puisse être glorifié en tout temps et partout dans leur vie. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour tous ceux qui gèrent l'argent. Prions pour nos trésoriers, prions pour nos comptables, nos caissiers, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos sociétés, que ce soit des hommes et des femmes crédibles comme Esdras, qui peuvent utiliser à bon escient l'argent et les biens qui leur sont donnés. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Très excellent Père, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi notre âme soupire après toi, ô Dieu. Notre âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ce matin, nous exprimons, Père, notre joie pour ce privilège que tu nous donnes d'invoquer ton nom. Invoquer ton nom, ce nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Ce nom à la mention duquel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous prions ce matin, ô Père éternel, pour tous les membres de nos communautés, tous les responsables de nos différentes communautés qui sont dans le domaine des finances, ceux qui s'occupent de la gestion de nos finances. Nous prions, ô Père, pour une probité morale. Nous prions et nous demandons que la crainte de l'Éternel se manifeste dans leur vie. Nous prions, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent utiliser les finances de l'Éternel à bon escient, afin que l'œuvre du Seigneur puisse avancer véritablement. Accorde-leur la sagesse, ô Père éternel, pour une gestion judicieuse. Nous prions également pour nos frères, pour nos sœurs, qui dans la vie active s'occupent des finances. Nous prions, ô Père, pour leur probité morale, pour leur rigueur dans la gestion. Et nous nous élevons contre tout amour de l'argent. Nous nous élevons contre toute pratique mafieuse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu sécurises tes servantes et tes serviteurs qui s'occupent de nos finances. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour nos autorités, afin que Dieu dispose favorablement pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Que nous ayons des rois comme Artaxerxès qui peuvent signer des décrets pour donner des faveurs aux églises, à ceux qui font le culte, aux hommes de Dieu, les exonérer des impôts, à donner de l'argent, de l'or, pour bâtir la maison de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, sois exalté et magnifié parce que tu nous as donné Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il ne nous a point laissé orphelins, il nous a donné son Esprit. Et par son Esprit, tu as suscité des serviteurs, des servantes que tu as mises à part. Et tu as suscité des frères, des bien-aimés, des rachetés de l'Éternel, des hommes qui vivent dignement pour l'avancement de ton royaume, qui prient pour les autorités, qui prient pour les autorités établies à quelque niveau que ce soit. Seigneur, nous prions qu'effectivement ces autorités soient disposées favorablement pour l'avancement de ton royaume, que nous ayons encore et encore des rois comme le roi Artaxerxès qui peuvent signer des décrets en faveur de l'Église, qui peuvent exonérer les impôts des serviteurs et même des hommes de Dieu, qui peuvent donner de l'argent, de l'or pour la construction des églises, pour la construction des œuvres chrétiennes. Oui, Seigneur, suscite ces hommes, ces autorités qui peuvent faire avancer l'œuvre du Seigneur au milieu de ton peuple. Père, tu es capable. C'est pour cela que nous crions à toi que tu inclines le cœur de ces autorités, que tu les bénisses en retour pour leur œuvre, que tu les bénisses en retour parce que, Seigneur, ils se souviennent, ils acceptent pour que ton nom dans ce pays soit glorifié. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton amour sans fin que tu relâches dans le cœur de quelqu'un afin de continuer de te servir, afin de continuer d'appeler les âmes à la conversion, de prier pour l'avancement du royaume. Béni sois-tu pour les portes que tu ouvres dans la vie de tes véritables serviteurs et servantes et dans la vie de tous ceux qui te servent au nom de Jésus. Amen. Amen. Que cette journée soit une journée bénie pour toi, mon frère, bénie pour toi, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Je veux proclamer l'accouchement d'une femme aujourd'hui qui entre en travail, au nom de Jésus. Que ton accouchement se fasse dans des conditions normales, au nom de Jésus. Et que cet enfant qui va sortir soit une bénédiction, qui fasse la joie pour toute la famille, au nom de Jésus. Je veux proclamer la bénédiction pour quelqu'un qui cherche l'emploi. Que la faveur de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu accomplisse ses promesses à ton endroit, au nom de Jésus. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.